qu'elle danse. Votre bras? Monsieur le photographe, vous ne refuserez pas une coupe de champagne? Vous êtes trop aimable. Je suis confus. À la guerre comme à la guerre. L'appareil sursaute. Mais que veut mon petit-fils? Je veux qu'on m'achète du pain pour donner à manger à la tour Eiffel. On le vend en bas, je ne vais pas descendre. Je veux donner à manger à la tour Eiffel. On ne lui donne qu'à certaines heures. C'est pour cela qu'elle est entourée de grillages. Je veux donner à manger à la tour Eiffel. Non, non et non. L'enfant trépigne. La noce pousse des cris. Car voici l'autruche. Elle s'était cachée dans l'ascenseur. Elle cherche une autre cachette. Le chasseur approche. Le photographe voudrait bien qu'elle rentre dans l'appareil. Il se souvient qu'il suffit de cacher la tête d'une autruche pour la rendre invisible. Il lui cache la tête sous son chapeau. Il était temps. L'autruche se promène, invisible, un chapeau sur la tête. Entre le chasseur. Avez-vous vu l'autruche? Non. Non. Non. Non, non. Non, non, nous n'avons rien vu. Non, non, rien. C'est étrange. Il m'avait bien semblé qu'elle sautait sur la plateforme. C'est peut-être une vague que vous avez prise pour une autruche. Non, la mer est calme. Du reste, je vais la guetter derrière la boîte de ce phonographe. Aussitôt dit, aussitôt fait. Le photographe s'approche de l'autruche sur la pointe des pieds. Que lui dit-il? Madame, vous n'avez pas une minute à perdre. Il ne vous a pas reconnue sous votre voilette. Dépêchez-vous, j'ai un fiacre. Il ouvre la portière de l'appareil, l'autruche disparaît. Sauvée, mon Dieu! Vous imaginez le bonheur du photographe. Il pousse des cris de joie. La noce l'interroge. Messieurs et dames, je vais enfin pouvoir vous photographier tranquillement. Mon appareil était détraqué, il fonctionne. Ne bougeons plus. Mais quels sont ces deux personnages qui viennent déranger le photographe? Regardez, la noce et le photographe se figent. La noce est immobile. Ne la trouvez-vous pas un peu... Un peu gâteau? Un peu bouquet? Un peu joconde? Un peu chef-d'œuvre? Le marchand de tableaux modernes et le collectionneur moderne s'arrêtent devant la noce. Que dit le marchand de tableaux? Je vous mène sur la tour Eiffel pour vous faire voir avant tout le monde une toile unique, la noce. Et le collectionneur répond: je vous suis, les yeux fermés. Ah, est-ce beau? On dirait un primitif. De qui est-ce? Comment de qui est-ce? C'est une des dernières choses de Dieu. Elle est signée? Dieu ne signe pas. Ah, est-ce peint? Quelle pâte! Et regardez-moi ce style, cette noblesse, cette joie de vivre. On dirait un enterrement. Je vois une noce. Vous voyez mal. C'est plus qu'une noce. C'est toutes les noces. Plus que toutes les noces. C'est une cathédrale. Combien la vendez-vous? Elle n'est pas à vendre, sauf pour le Louvre. Et pour vous? Mais tenez, au prix d'achat, je vous l'offre. Le marchand montre une grande pancarte. La pancarte porte le chiffre 1 million. Le collectionneur va-t-il se laisser convaincre? Que dit-il? J'achète la noce. Ah. Le marchand retourne la pancarte. On lit « Vendu » en grosses lettres. Il la pose contre la noce. Le marchand de tableaux s'adresse au photographe. Photographiez-moi cette noce, avec la pancarte. Je voudrais les faire paraître dans tous les magazines américains. le collectionneur et le marchand de tableaux quittent la tour Eiffel. Le photographe s'apprête à prendre la photographie, mais, ô prodige, son appareil lui parle. Que lui dit-il ? Je voudrais... Je voudrais... Parle, mon beau cygne. Je voudrais rendre le général. Il saura bien se rendre lui-même. Le général reparaît. Il est pâle. Il lui manque une botte et une moustache. Somme toute, il arrive de loin. Il racontera qu'il revient d'une mission sur laquelle il doit garder le silence. La noce ne bouge pas. Tête basse, le général traverse la plateforme et prend une pose modeste parmi les autres. Voilà une bonne surprise pour le collectionneur de chefs-d'œuvre. Dans un chef-d'œuvre, on n'a jamais fini de découvrir des détails inattendus. Le photographe se détourne. Il trouve la noce un peu dur. Si elle reproche au général d'être vivant, le général pourrait lui reprocher de s'être laissé vendre. Le photographe a du cœur. Il parle. Que dit-il ? Allons, mesdames et messieurs, je vais compter jusqu'à 5. Regardez l'objectif. Un oiseau va sortir. Une colombe !